Samedi matin, ordinaire. À 4h du matin, le sable est épais. Allongé dans l'herbe avec moi. Ma régulière. Le jambon, c'est bon. Je prends, je touche. Ma régulière avec qui je peux faire du feu. Comment je peux emmener au 7e ciel. Si j'en ai envie, si j'en ai envie, l'offre, la demande, demande qu'à être satisfaite. Le désir est perdu. Desire. My desire, you desire. I desire. Project. My desire, your desire, desire. Ma regret, you. My home, my love, my love, my love, my love. Qui flaille. Amour absolu, amour infini, amour gratuit. Agapé, mes amis. Guy, Willow. Yeah, Willow. Guy. Yeah, Willow. Yeah, Willow. En toute liberté. Abattez-le, abattez crier, abattez sing, about to make sound. Abattez-le, abattez crier, abattez to shake. My love, love, my love, my love, love, love, love, love, love, my love, love, my love. Abattez l'eau, abattez plaie, abattez tête, abattez sin, abattez. Here we are. On this slim jam séché. About to listen. About to sing. About to dance. We are. About to make sense. About to blend. About to dance. Envoyons des bonnes ondes du piémont pyrénéen vers le monde libre. Espérons, continuons, défend un monde libre, ouvert. Possible, nouvel air. Nouvelle atmosphère. Car yeah. à qui même les rois ne peuvent donner loi. À qui même les rois ne peuvent donner loi. Qui peut à chacun son plaisir écrire. Assure-toi, mon Vinéu, mon cher Vinéu, qui même les rois ne peuvent donner loi. Qui même les rois ne peuvent donner loi. Qui même les rois ne peuvent donner loi. Sans crime, sa jeunesse, c'est pour n'avoir que vu enrichir sa maison. Car c'est pour n'avoir commis homicide ou trahison, n'avoir usé de mauvaises finesses. D'un grand consentement, consoler ma vieillesse. Oh, métallique dans vos veines. Frozen lips en main. Troisième étape, sur les pattes, vous retombez. Ressuscité dans un chat, dans un corps de chat. Get it,

situation. Titi, Goulougou, on the play. I'm waiting. En total partage. Rapidement. Intégrer, ça dépend juste de ton positionnement, ta posture, comment tu t'engages. Can you stop it? Stop, stop. Tour, tour. Là, là, on joue, on chante. It's not a joke. Message paradoxal. Injonction paradoxale. Dans ta tête. Avec la latence en plus, on va savoir. va savoir ce qu'on veut dire. Avec qui nous vivez, n'ayez contre nous les cœurs trop pendus. Non, non, non, n'ayez pas contre moi le cœur trop pendus. Non, contre moi, contre moi, le cœur trop pendus. Frère humain, ensemble. Thank you. télé. Oh, voilà. You do, you take, you do it. Butterfly. Push. Yeah.